cette petite quinte était attachée dans mon jardin. Elle a voulu se barrer, alors je voulais la monter. Je suis légionnaire et j'en suis fier. Ma mitraillette c'est ma canette. Je suis militaire, je bois des bières. Je laisse la disette pour les tapettes. Je suis l'abbé de la rue de la Rée. J'ai une chambre bien arrangée. Je l'entoure des petits enfants qui sèchent tranquillement. Je suis curé, je suis pédé. Les enfants de cœur lèchent ma sueur. Les cours de caté, c'est trop le pied. Pendant des heures, ça me fait pas peur. Le jour j'ai bu un café, ça a duré toute la journée. Je me suis dépêché de rentrer pour me faire à manger. Je suis bien content, j'ai plein d'argent. Moi, je tapinais à l'usine. Je taille des pipes à mon chef d'équipe. J'ai ma fierté, je suis embauché. J'ai mis des coups de matraque. Un gars qui était bosniaque. J'ai pas vu s'il a saigné. J'étais encore bourré dans ma milicia du pastis. Je mange la quéquette dans l'estafette. Je suis policier, je suis bien monté. Je suis CRS, on fait les fesses. La société, on la connaît. Nous, on l'a déjà visité. Y a un truc qui est certain. De leur c'est vrai que ça craint. Tous les braves gens, je les trouve gerbants. Même ceux que j'aime bien sont mongoliens. De toute façon, tout le monde est con. Les anonymes sont sublimes. Les anonymes sont sublimes. Ouais. Là, la bande-son, moi, je peux pas faire mieux. Hein. Ouais, la bande-son, on peut pas faire mieux, nous deux. Moi, j'étais au top, là. Ouais.